On va parler avec notre ami Pascal Jobin de la NBA. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, gros, écoute, ça brasse en maudit dans la NBA. Je sais pas par où commencer. D'ailleurs, demain, je te dis tout, je l'ai pas dit en ondes, parce que, en dehors des ondes, parce que, mais on va revenir là-dessus. Demain, je t'engage deux chroniques pour le prix d'un. Avec un retour sur le repêchage, mais ainsi de suite. Mais avant de parler du repêchage, parce que c'est pas un grand cru cette année, quelle nouvelle! James Harden qui refuse 50 millions de dollars. Ben, C'est complètement débile. Moi, écoute, et puis moi, ce que j'aime pas, c'est la norme dans la NBA actuellement. Est-ce qu'il va falloir que l'association s'en mêle? Parce que là, ça fait exactement ce que Kawhi et Paul George ont fait. On sait pourquoi Durant a refusé. Il voulait rejoindre ses amis à Brooklyn, mais ça va falloir que ça arrête, ça. Mais tu sais quoi, Danny? Premièrement, c'est que dans les 10 dernières années, les joueurs ont commencé à refuser certains montants pour terminer un contrat et ne pas nécessairement rester loyal envers son équipe. Maintenant, entre nous deux, Danny, est-ce que Harden a tout donné à Houston? Je pense que oui. Oui. On a tout essayé. On a été Et chercher là, Chris Paul, ça n'a pas ça. marché. On a été chercher Russell Westbrook, ça n'a pas marché. Mike D'Antoni, un nouveau système, ça a marché. On est dans une série, puis on plafonne toujours en la première, deuxième ronde. Bon, Fait que moi, je ne blâme pas James Harden de dire, OK, j'ai donné tant d'années, c'est le temps de bouger, c'est tout. Et tu sais, moi, là, tu parles d'un gars de basket. Moi, je suis habitué maintenant de voir ça. Mais toi qui es un gars de sport généraliste, qui aime beaucoup le hockey, tout ça, c'est différent dans les autres ligues, le mouvement des joueurs ou le refus de certains contrats. Tu comprends? ouais, je sais, Fait mais c'est que parce que James les équipes. Harden, si je me trompe pas, il reste 2 ans garanti. Fait qu'il va essayer de forcer un échange. Mais Houston, en ce moment, là, ils savent pas quoi faire avec Westbrook. Ils savent pas quoi faire avec Harden. OK? Ils ont déjà commencé à faire le ménage. Fait que le directeur général est parti. L'entraîneur est parti. Ben, c'est. Fait que là, c'est pas évident. On a un nouveau entraîneur, un jeune, Silas. Fait que est-ce qu'on décide de juste recommencer à neuf. Fait que ce que Harden dit publiquement, il est peut-être conscient que c'est le propriétaire. Il a dit, tu sais quoi, James, si tu veux partir, ça me dérange pas, là. Tu sais, ça, c'est des conversations, Danny, qu'on n'est pas au courant, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour que les autres équipes, parce que c'est du maraudage, si tu essaies de parler à James Harden, tu es d'accord avec moi? Fait que lui, en disant ça, ben là, il y a des équipes qui vont se dire, ben là, on peut-tu parler avec le propriétaire, le directeur général, pour dire, écoute, qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, de vouloir aller avec les Nets, ben là, c'est peut-être un rêve. Mais c'est quelque chose qui l'intéresserait de retrouver Kevin Durant et puis Kyrie Irving. Ça me fait penser un peu à l'époque des la fin des Bulls avec Phil Jackson, Michael Jordan, Scottie Pippen quand ils sont partis. Ce qui se passe à Houston. Sauf que les autres n'ont pas gagné. Mais la fin des Bulls, mais écoute ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ne voulaient pas partir. C'est le Randolph. propriétaire, ben pas le propriétaire, c'est le directeur général. Puis qui ont dit, OK, on va tout simplement, ça peut pas continuer aussi longtemps, on va recommencer à neuf. Quand t'es au sommet, tu comprends ce que je veux dire par là? Puis d'annoncer que Phil Jackson ne serait pas de retour, puis là, Michael qui dit, moi, je veux seulement jouer pour Phil Jackson, c'est un petit peu un challenge envers l'organisation. Maintenant, les joueurs, eux autres, ils prennent des décisions de 2 ou 3 ans. Ils signent plus les contrats de 6 ans. LeBron a commencé à signer des contrats de 2 ans, 3 ans. Mais faut pas oublier une chose, Michael Jordan, ces 3, 4 dernières années, il signait des contrats d'un an. 35 millions, 40 millions, tu sais. Fait que c'est pas nouveau, mais la NBA, les joueurs ont beaucoup plus de liberté. Où est-ce que tu penses qu'il va aller? Tout indique que c'est Brooklyn. C'est pas fait encore. Il Non? va y avoir beaucoup de chance. Est-ce que Brooklyn, j'ai pas pris le temps de regarder sur Hoopsype au niveau des salaires, tout ça. Est-ce que c'est possible pour Brooklyn d'aller chercher James Harden? Parce que James Harden, s'il est sous contrat avec les Rockets, ça veut dire les Rockets doivent probablement soit signer une prolongation ou un échange direct. Mais tu échanges tout James Harden pour, après Kyrie Irving, puis Kevin Durant, qui reste? Fait que ça va être intéressant de voir. Probablement falloir qu'il y ait plusieurs équipes impliquées. Effectivement. Donc, ça va être un dossier qu'on va surveiller de près. Chris Paul qui est parti à Phoenix. Bon, ça, c'est un petit peu bizarre, mais Phoenix, c'est la place de la retraite. Tu sais, c'est une des plus belles places à habiter aux États-Unis. Fait que je pense que Chris Paul se dit, je vais peut-être essayer, je vais prendre une équipe. Tu sais, je pense que si tu te souviens dans la bulle à Orlando, Phoenix est la seule équipe, si je ne me trompe pas, ils n'ont aucune défaite. mais il n'y avait pas assez de victoires pour faire les séries, OK? À Devin Booker, ils ont une équipe, ils ont une jeune équipe, un nucleus intéressant. Puis en allant chercher Chris Paul, ça veut dire que... Parce que oui, mais Booker voulait partir. Chris Paul, je pense qu'il reste encore 1 ou 2 ou 3 ans. Il prend soin de lui à la LeBron James. Fait que c'est intéressant. Phoenix pourrait être meilleur que les Thunder. Puis les Thunder étaient pas mauvais cette année. Ben, les Suns ont très bien fini dans la bulle. Tu te rappelles? Exactement. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est la seule équipe. Très, très près. Là. Ils ont manqué. Exactement. Là, tu as eu Chris Paul dans l'alignement. Donc, tu devrais être dans la... Ben, le Golden State va revenir. Ça, c'est quasiment... ils vont revenir. Oui, ouais, absolument. L'équipe très, très menaçante et ainsi de suite. True Holiday maintenant qui s'en va à Milwaukee. Est-ce que les Bucks vont devenir finalement... de sérieux aspirants. Ben, ils moi, sont déjà, là, de... mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis un fan de Jrue Holiday. Si Eric Bledsoe vaut 8 sur 10, Holiday vaut 10 sur 10. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Défensivement, offensivement, passeur, meneur, tir de 3 points. Fait qu'on a été chercher un joueur intéressant. Et Bogdanovic de Sacramento, tout un allié. Le style de joueur qui peut tirer à la 3 points. Fait qu'on a été chercher deux gars qui ont d'excellents tirs de 3 points. Fait que tu pourras plus nécessairement, en anglais on dit crowder, là, tu pourras plus nécessairement entourer Giannis avec ces joueurs-là sur le terrain. Fait que ça va être intéressant de voir, mais pour moi, ça met les Bucks de Milwaukee presque assurés de se rendre. Pour moi, ça les assure de se rendre en finale de l'Est. Ben là, t'as Philadelphie Doc Rivers qui va revenir. Moi, je pense que c'est ça qui manquait. Mais là, on parle d'un entraîneur. Ouais, mais je veux dire, lui peut amener quand même, peut amener une philosophie quand même, et ainsi de suite. Ouais, mais regarde, je suis pas vendu sur Embiid en ce moment, et puis Simmons. Okay. Je pense qu'il va se passer des choses à Philadelphie d'année avant que la saison recommence le 22 décembre. Repêchage de la NBA ce soir, c'est pas un grand cru. C'est vraiment pas un grand cru. J'écoutais cette semaine les mock drafts et ainsi de suite. Et ce qu'on dit. Écoute, est-ce que c'est le pire repêchage? Est-ce que c'est aussi pire que l'année d'Anthony Bennett? Parce qu'il t'a souvent dit qu'Anthony Bennett. Je pense qu'Anthony Bennett, c'est un des pires premiers choix. Il faudrait que je revise qui était repêché avec lui. On s'en souvient parce qu'il était juste pas bon. Ouais. Je pense que cette année, il y a quand même quelques bons joueurs. Est-ce qu'il y a des superstars? Est-ce que LaMelo Ball est une superstar? Le kid Edward est une superstar? Il y a quand même de très bons joueurs. Il y a peut-être pas beaucoup de superstars, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de cette année qui vont faire les équipes. T'as les 30 premiers choix, mais même en deuxième ronde. Puis à surveiller, tu le sais, Karim Mann. Oui, Karim Mann, un Québécois. Est-ce que lui va sortir ou ça va faire comme Lugansdorf? Moi, je pense que Karim va être repêché, mettons, entre 40 et 45. Je pense qu'il y a une chance d'être repêché. Il a fait son exercice devant les équipes de la NBA. On a aussi fait les tests physiques, tout ça. On le mesure à presque 6 pieds 6. Donc, comme meneur de 6 pieds 6, Danny, je ne peux pas te mentir, c'est très intéressant. Beaucoup d'équipes sont intéressées. Je pense que Portland... Dans ce coin-là, Portland a démontré de l'intérêt pour Karim. Donc, ça serait intéressant de voir ça. Pourquoi un repêchage comme cette année, quand tu n'as pas eu de combine? Tu sais, je veux dire. Ça vaut. C'était virtuel. C'est. Pas grand. Comme je te dis, il y a quand même du talent. Il y a beaucoup d'équipes qui vont essayer d'aller repêcher peut-être en haut. Il y aura beaucoup d'échanges qui vont se passer. Fait que souvent, tu as une année qui a. Tu sais, qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de superstars, mais il y a de très bons joueurs, Danny. C'est ça qui est intéressant de voir. Par rapport au fait que tu peux avoir un LeBron James, un Carmelo Anthony, puis le reste, c'est pas si bon que ça, finalement. Tu veux dire? Fait que c'était peut-être pas un draft là, de vedette. Mm-hmm. Ouais. Non, mais non, c'est ça. Je pense que c'est un draft de profondeur, mais pas de vedette. OK. Fait que on va sur les Raptors 29e. On s'est parlé cette semaine en dehors des ondes. Tu m'as dit surveille, il y a un gars qui joue en Allemagne qui pourrait sortir de nulle part puis qu'il vient de Toronto. Il joue en Allemagne cette année. Est-ce que c'est lui qui pourrait être je sais vraiment pas ce que les Raptors vont faire. Moi je pense que les Raptors pourraient même échanger parce qu'on parle de Kyle Lowry aller avec les Lakers. Il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Il s'en est passé hier, comme tu as mentionné, avec Jrue Holiday qui est rendu à Milwaukee. Mais il va se passer beaucoup de choses en ce moment. Fait que ça va être intéressant de voir. Je pourrais vraiment pas... Toronto, ils ont 5-6 joueurs sur leur liste. Ça sera intéressant de voir qui vont aller chercher. On dit que je suis en train de regarder le mock draft de NBADraft.net, un site Oui. qu'on aime bien consulter toutes les deux, là. Et selon eux, ça vaut ce que ça vaut, là. Ce serait Devon Dobson qui serait le choix des Raptors au Ben, c'est 29e ça, rang, un joueur de moi, je pense Kansas. qu'on. Oui, je l'ai vu Donc, ça, on mais va. t'as mentionné, T'as vu t'as ça mentionné aussi? échange, puis Kyle Lowry. Il y a beaucoup d'équipes qui ont. Vu que c'est pas un super repêchage de Ouais, vedettes, ça vaut ce que ça t'as vaut, là. beaucoup d'équipes qui vont faire du mouvement. Il va y avoir beaucoup de mouvements cette année. Ok. Tu t'attends du côté des Raptors, tu t'attends à des mouvements. Donc, Athis Absolument. Boucher qui dit qu'il aimerait Pour rester à moi, Toronto. je pense qu'il y a une opportunité de rester à Ouais. Toronto contractuellement, puis sa position. Tu sais, tu as beaucoup d'équipes maintenant. Tu as besoin de Chris Boucher. Tu as besoin de Lugansdorf qui font, mettons, 1 million par année. C'est un petit peu niaiseux ce que je vais dire pour toi puis moi, mais 1 million, c'est pas beaucoup dans NBA, là. Mais tu as besoin de ton 9e, 10e, 11e joueur qui est loyal puis qui travaille fort dans ton organisation. Fait que Chris Boucher, il y a beaucoup d'opportunités de rester à Toronto.